بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. Deuxième leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. تمام اليوم reprend le troisième vers. البيت الثالث من هذه القصيدة التي هي حائية ابن أبي داود. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأولياء وأفصحوا. قال أولياء وأتقياء الذي لديه. قد تقول بذلك دان الأولياء وقال الأتقياء. Il y a eu deux riwayas. Taman. Qui sont durés par 10 noms créés que la parole de notre, on va dire, du roi, du seigneur, noms créés. Et c'est sur cela, telle était la croyance des alliés ou des pieux. Est-ce qu'ils ont clairement prononcé? Ils ont clairement dit, déclaré. Fauna awalan qul. Qul. Hadha amr min qala yaqulu. C'est le verbe impératif de qala yaqulu qui veut dire dit. Et qul, le verbe qala, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il peut s'employer pour l'action également. Action du cœur, qui est le fait de croire, qui ne se base pas sur une simple prononciation d'une parole, mais également elle implique une croyance du cœur. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il tournait dans les marchés, il leur disait quoi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous réussirez. Mais quand il leur disait Koulou, c'était pas seulement prononcé. C'est aussi ce qui va avec, comme croyance. Et les Arabes d'antan comprenaient très bien le sens. Comme quand les Sheikh, Koul, Yutlok, Eidon, Al-Fial, Al-Amal, Kolbi. Les actes du cœur. Et on ajoute aussi que cela peut être les actes des membres. Dans quel hadith? Ammar ibn Yasir. Le hadith du Tayammum. Lorsqu'il dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé et qu'il a été en Tajanaba, qui n'est pas d'eau. Là, il s'est roulé par terre, dans le sable, comme l'aurait fait une bête. Ensuite, Zakara Zalik al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de cela. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un taqul biyadek akada. Il suffisait de dire avec tes mains comme ça, il l'a tapé au sol, il lui a montré comment faire le Tayammum. كان يكفيك أن تقول قال ما قال أن تفعل أن تقول إذن لا لذي قال يستعمل إذن بمعنى فعل إذن ça peut être les actes du cœur également les actes des membres mais l'os de قال يقول c'est prononcé. نعم. Donc là c'est que tu es pour croyance. غي مخلوق مخلوق c'est اسم مفعول de خلق يخلق qui t'a créé. Donc, étant créé, kalam malikina. Kalam, ça veut dire parole. Ou al kalam min sifatillah. Quand le kalam min sifatillah, Allah yatakallam. Ma ta'asha wa kayfa ma'asha. C'est des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quand il veut. هذا من الصفات الخبرية، الكلام من الصفات الخبرية. أوي. ومليكنا متخوغوة، والمليك من أسماء الله. تبدي مليك avec un mad du ya. تبدي مالك avec un mad du alif. Comme nous prenons la Fatiha. مالك يوم الدين. Nous, en façon de Hafs, on dit مالك يوم الدين. Et tu peux dire aussi مالك بدون مد. En Warsh, on dit مالك. مالك يوم الدين بدون مد. Donc les trois. مالك, مالك et مالك. بمعنى واحد. يعني الذي له الملك المطلق. Celui qui a le royaume absolu. Car ça, c'est parmi les Asma'i Mushtarika. Le Malik, c'est un nom qui peut être attribué également à la créature. Cependant, il y a une différence entre le Malik chez les créatures et celui qui est le Ismun Asma'illah. Le roi dans la création, parmi les hommes par exemple, il aura un royaume limité. Et il ne contrôle pas tout dedans. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la royauté absolue dans tout. Et ce même roi qui est sa créature fait partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ses créations sont royaumes. Donc le fait qu'ils aient le même nom n'implique pas une ressemblance entre les deux. Car le mulk, l'ila ou le mulk al-mutlaq, c'est la royauté absolue. C'est pas comparable. C'est comme le khalq. Tu peux dire khalik pour la créature, mais la création d'une créature, c'est juste un assemblage. Alors que le khalq al-mutlaq, c'est Allah. Lui te fait créer une chose à partir du néant. Alors que l'être humain a besoin de matériaux, de matières premières. Donc c'est pas pareil. On va l'appeler khaliq, on va dire c'est pas le khalq al-mutlaq. Toi c'est juste tu transfères, tu assembles. Mais à la base, le bois c'est pas toi qui l'as créé. Le plastique non plus, le fer non plus, les clous non plus. Juste tu les as façonnés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de rien il te fait tout. Na kullahu kun, fa yakun. On veut une chose, juste on dit soit elle est. Ça c'est le khalq al-mutlaq. Tayyib. Donc là c'est la mas'ala du kalam Allah qui n'est pas créé. Là c'est une introduction, ça va venir plus par la suite. Donc il faut que tu aies pour croyance que la parole d'Allah n'est pas créée. Comme une adillat anna kalam sifatillah wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa ijiru hatta yasma'a kalam Allah. Que si jamais l'un des mushrikines te demande de l'abriter, alors abrite-le pour qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Kalam Allah. Là c'est min idafat al-sifat lil-mawsuf. L'attribut de la, c'est le fait d'annexer l'attribut hein, au qualifié. On peut dire comme ça. Tayyib. Bizadika adana al-awliya ou al-atqiya wa afsahu. Yani kazadik, bizadika, ismi shara, par cela, bi harf jar. Dana, on l'a dit hier, dana yadino. Une traduction comme ça. Zadika, à la base, ismi shara, c'est cela. Ceci, non, ismi shara. Le muzakkar, al-ba'id à la base. Pour ce qui est masculin et éloigné. Dana, akhadna fi al-ams dana yadino. Qui veut dire, nous l'on prend dans le sens de croire. C'est suivre une religion ou quoi, mais cela implique une croyance, le fait de croire. Donc c'est tel était, c'est ce qu'on crut, les awliyas, ce serait les awliyas, ce sont les approches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou alors, dans une version, c'est venu les atqiyas. Hey, alladhi ja'alu baynahum wa baynallah wiqaya. Ceux qui ont mis entre eux et Allah une protection. Tazkur, akhazna ta'rif ibn Habib litaqwa. Dans le livre Manar al-Din, on avait pris la définition de la taqwa de ibn Habib. Qu'est-ce qu'il avait dit? Wa ta'atullahi. على النور من الله رجاء من ثواب الله. Le fait d'obéir à Allah sur une lumière d'Allah, c'est la science d'Allah, en espoir d'obtenir la récompense d'Allah. وترك نواهي الله على نور الله مخافة من عذاب الله وعقوبة الله. C'est le fait de délaisser les interdits avec science, pas crainte de subir la colère d'Allah, son châtiment. Et les awliyas, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les awliyas, c'est ceux en fait, qui ont cru et qui craignent. Et c'est un wali d'Allah. Après, le tafawatu d'entre eux. Mais un wali, c'est ça. Celui qui ne croit pas n'est pas un wali d'Allah. Celui qui n'a pas de taqwa, ce n'est pas un wali d'Allah. Et la taqwa, on a pris la définition. Donc, un mubtadi, un innovateur, laisse à la nourrillah, ça. Donc, il ne rentre pas dedans. Et tu voulais, t'en vois plein, parmi eux, dire comme les soufis ou les tabliris, lui c'est un wali, c'est un wali, c'est un wali. Si c'était un wali vraiment, un salih, il n'est pas avec vous. Il est innocent de vous. Et si c'était comme vous, c'est sûr et certain qu'il n'est pas un wali. Kul bidatin dalala. Toute innovation d'égarement. Comme on lui était béni dans les égarements, c'est un wali d'Allah, ce n'est pas possible. Taïeb. Donc on a pris awliya et atqiya. Atqiya, c'est le diamant de taqiyoun, le pieux. Et awliya, c'est le diamant de waliyoun. On va dire le rapproché, l'allié. Ou afsahou. Afsahou, qui vient du fil afsaha, qui veut dire parler clairement, de façon juste. C'est-à-dire afsahou, c'est tu parles d'une façon fasiha, façon littéraire. Man yumsalen takul fulen yufsih, c'est-à-dire quand il parle, il est fasih, il parle bien. Son parler, il est correct. Non. Pas comme le français de Khalil. Afsahu. Donc on répète. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك أدانا الأولياء وأفصحوا أو بذلك أدانا الأتقياء وأفصحوا. Donc, et pour croyance que la parole de notre roi n'est pas créée, et c'est sur cela qu'étaient, ou qu'avaient comme croyance, ils croyaient, les rapprochés ou les pieux, et qu'ils ont clairement prononcé. C'est-à-dire, ils l'ont déclaré. Car le mu'min, sa croyance, il la déclare, il la prononce, il la proclame. Aujourd'hui, on n'a pris qu'un bait. Hein? Et Inch'Allah, on prendra les autres par la suite. Bismillah ta'ala. والحمد لله رب العالمين